Oui, sur le seul exemplaire. Je vais en faire d'autres parce que je sais pas, j'ai une dizaine de premières pages, je vais pas le reste. Chaque fois on est plus nombreux, mais Marcel a même demandé, donc il n'y a pas d'autres salles. Moi je pense qu'il n'existe pas de salle pour prendre ces bâtiments, je crois, sauf l'amphithéâtre, c'est peut-être le problème. Enfin, la semaine dernière, Vincent, c'est pas le plus grand. Une salle qui est libre, la semaine dernière, c'est plus grand. C'est le double. Je vais encore présenter le problème à l'administration. Donc aujourd'hui, on va faire une séminaire, une séance assez différente de toutes les séances que nous avons faites jusqu'ici. Je vous rappelle que c'était quand même ici pas seulement une cour sur le fétichisme de la marchandise, ou c'était pas une exposition, pas conçu comme une exposé de la critique de la valeur, mais c'était comme une cour sur le narcissisme comme la forme, sujet caractéristique de d'une société dominée par le fétichisme de la marchandise. Et donc après, finalement toute la première année et le début de la deuxième année, il faut quand même qu'on commence finalement aussi à se occuper un peu du narcissisme. Donc on va, donc, et là aussi, surtout je tenterai d'aller un peu au-delà de tout ce qui jusqu'ici a été aussi fait dans le domaine de la critique de la valeur. Et pour tenter de comprendre aussi de certaines manières, disons, le fondement, disons, psychologique, pour mieux dire psychoanalytique, de la société marchande, et notamment... Je cherche de développer la thèse que le développement ou l'augmentation pendant tout le XXe siècle de pathologies narcissiques, de certaines manières, sont étroitement liées à la forme valeur parce qu'elles se basent sur la même absence d'une contenu face à une forme vide. Donc, dans les prochains cours, on va s'appuyer sur quelques auteurs qui ont déjà commencé à développer ces thèses, donc notamment le pionnier dans ce domaine, l'américain Christopher Lesch, donc l'auteur de la culture du narcissisme en 79 du livre The Minimal Self, publié récemment, il y a quelques années en France, avec le titre Le moi assiégé. Je l'avais, mais je ne l'avais pas, peu importe. Mais justement, avant de commencer un peu avec les usages sociologiques du concept de narcissisme, je voulais consacrer aujourd'hui toute la séance, pas la séance psychanalytique, quand même toute la séance, de réflexion justement au concept même de narcissisme. Donc ça veut dire aujourd'hui on ne parlera ni de Marx, ni de critique sociale, ni de critique de la valeur. Et peut-être, je ne dirai rien de nouveau au moins pour ceux qui connaissent un peu la thématique. Je veux seulement tenter d'exposer un peu qu'est-ce que c'est que le concept de narcissisme, d'abord chez Sigmund Freud même et après chez une partie de ses successeurs. Quand même, je trouve toujours qu'il n'est absolument pas inutile de faire ce genre, disons, de clarification théorique, parce que autrement, c'est comme avec le travail abstrait ou avec la valeur. On utilise très souvent des mots où finalement chacun y associe ce qu'il veut. Justement, en plus, le mot narcissisme est un mot, comme nous allons voir aujourd'hui, extrêmement polysémantique, extrêmement vaste dans ses significations, qui est utilisée surtout dans les dernières années dans beaucoup de sens, comme d'ailleurs le travail abstrait. Et donc il n'est pas inutile, je pense, de revenir un peu aux sources. Donc ce que, comme je dis aujourd'hui, je vais tenter de faire un exposé, même un peu scolastique, de la thématique du narcissisme. Et d'ailleurs là, aussi, c'est un peu comme avec le travail abstrait, donc je fais ce travail, je fais ce... ce travail aussi pour comprendre moi-même mieux certaines choses, parce que après on voit que les choses ne sont pas du tout si claires comme on pourrait s'imaginer à première vue. Donc plus on y rentre, moins on y comprend souvent. Donc je tenterai de vous exposer au moins le résultat de mes recherches sur le concept de narcissisme. Alors, donc d'abord, il faut commencer en disant que le terme, effectivement, vraiment est très peu clair. On saisit tout de suite de manière presque intuitive que ce terme est très, très riche, peut nous dire beaucoup de choses, surtout aussi sur la, pas seulement sur nos vies individuelles, mais aussi sur la société d'aujourd'hui. Mais il existe effectivement une vaste, une grande variété d'acceptation de ce terme. D'abord, chez Freud même, qu'il a introduit, nous allons voir, Freud même a dit au cours de 25 ans des choses assez différentes. Et sur ce concept qui n'a jamais été central de toute manière dans sa réflexion. Et ensuite, nous trouverons encore chez les différents auteurs psychanalytiques qui sont occupés, on trouve qu'ils sont pratiquement d'accord sur rien en ce qui concerne le narcissisme. De toute manière, on n'est pas ici maintenant pour faire une histoire détaillée de ce concept. On peut s'appuyer un peu sur les deux volumes dans la collection « Qu'est-ce que je veux sur le narcissisme ?» Curieusement, il y en a deux. Je ne sais pas si c'est l'habitude dans cette collection. Il y a une première de Pierre Desouan, donc de 1983, un livre un peu aride, mais comme assez solide. Donc, et probablement que peut-être était considéré comme étant trop technique peut-être par le rédacteur de la collection. Donc ils ont fait écrire un autre volume de la même collection par Paul Denis, donc publié l'année dernière, qui s'efforce visiblement d'être plus lisible, plus amusant, avec beaucoup plus d'exemples cliniques, des cas concrets, etc. Mais qui finalement, selon moi, comme ça arrive souvent dans ce genre de modernisation, finalement dit beaucoup moins de choses. Donc, évidemment, se référer au concept de narcissisme de notre séminaire, donc ça veut dire donc finalement, après évidemment Marx, de faire rentrer dans notre réflexion une autre géant de la pensée, qui est justement Freud, mais d'une manière assez différente de ce que a été ce qu'on appelait le Freud au marxisme des années 60 et 70. Comme peut-être vous savez, donc, Freud même assez peu approfondi donc, le côté sociologique et politique de sa pensée, et ses opinions étaient en général plutôt conservatrices, de toute manière très modérées, et que, vous savez, je pense que parmi les psychanalystes de première génération, il n'y avait pratiquement qu'un Wilhelm Reich donc, qui a tenté de manière résolue d'unir la pensée marxiste avec la pensée psychanalytique, avec des résultats qui ont fait beaucoup de fureur, pas à ce moment-là, mais 30 ans plus tard, en 1968, mais qui restent quand même plutôt discutables aujourd'hui. Donc après, il y a eu un peu sur la base des travaux de Reich à partir des années 50, donc une tentative d'unir les pensées de Freud et de Marx comme deux libérations de l'homme moderne sur le plan social et sur le plan individuel. Donc évidemment, les auteurs comme Herbert Marcuse, au plus proche de chez nous en France, par exemple plus tard, comme Jean-Marie Brom, donc ont approfondi cette thématique, donc qui était souvent très liée aussi à la thématique de la révolution sexuelle, donc de la libération des mœurs, et qui finalement, je pense déjà vers la fin des années 70, qui est assez brusquement est disparu pratiquement de l'horizon. De manière que, ensuite, nous avons vu que la psychanalyse même a subi beaucoup d'attaques, comme vous savez, dans les dernières décennies, donc surtout de la part des sciences cognitives, qui prétendent expliquer sur une base plus scientifique et plus sûre le fonctionnement de la psyché humaine. Mais c'est sûr que la il y avait aussi, surtout dans les années 60 et 70, beaucoup d'exagération et beaucoup même de mauvaise foi dans la psychanalyse, en France comme ailleurs. Donc, ce n'est pas nécessaire que je vous rappelle les étranges avatars, surtout en France, avec les lacaniennes. Et de manière qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être dire, je pense que certaines manières, que la psychanalyse et la critique sociale se sont à nouveau plutôt éloignées dans les dernières décennies. Où à la limite, on a utilisé peut-être la psychanalyse surtout pour expliquer des causes particulières, comme par exemple la pensée postcoloniale avec des traumas causés par la colonisation. Évidemment, c'était aussi la critique féministe aux années 70 sur la supposée pensée patriarcale de Freud, qui a également beaucoup, en certaine manière, contribué à diminuer aussi la force d'attraction de la psychoanalyse. Donc, mais évidemment, ici, je me base un peu sur l'idée que la psychanalyse est surtout l'œuvre de Freud même, donc n'a pas du tout dit son dernier mot. Et comme chez Marx, il y a évidemment une partie qui appartient plutôt à l'histoire, mais elle reste une autre partie, on pourrait presque dire une Freud ésotérique, qui reste encore largement utilisable pour une critique de la société marchande que justement que ne se limite pas aux facteurs purement économiques ou sociaux, mais qui tente vraiment de comprendre la particularité de cette forme sujet. Donc nous avons parlé dans les dernières séances. Donc je vous rappelle aussi que nous avons vu la genèse de la forme sujet déjà à la fin du Moyen-Âge, cette première étape des et formulation chez Descartes et chez Kant, et finalement donc la naissance de méga sujets, surtout des nations et des classes au XIXe siècle, et ensuite une espèce de individualisation de la forme sujet au XXe siècle, donc lorsque les identités collectives perdent leur importance en faveur d'une espèce d'individualisme féroce des atomes de la société de la valeur, parce que finalement, comme nous savons, la société marchande pratiquement se base sur un atomisme social où il n'existe aucun lien social avant que la rencontre sur le marché. Donc, comme je dis, aujourd'hui, nous allons voir un peu les bases justement du concept de narcissisme, aussi de manière à pouvoir l'utiliser dans les prochaines séances, peut-être sans devoir chaque fois réexpliquer le concept, et aussi en l'utilisant aussi parfois pour mieux comprendre justement des auteurs comme Christophe Alech ou en France des auteurs comme Dufour ou Le Breuil, et aussi éventuellement pour indiquer leurs limites. Alors le terme donc de narcissisme se prête souvent aussi à confusion, donc c'est un terme assez utilisé aujourd'hui, mais en général et normalement on indique avec ce terme des individus du sujet qui sont trop imbus d'eux-mêmes, trop égoïstes, donc d'une certaine manière qui tentent de triompher et à dépens des autres, donc qui ont des comportements centrés sur eux-mêmes, qui écrasent les autres, qui manquent d'empathie. Et on fait donc souvent aussi un lien entre ce genre de comportement, entre cette espèce d'hypertrophie du moi et l'époque néolibérale, qui a dissout toutes les identités collectives, tous les esprits de solidarité, et qui pousse les individus à se affirmer le plus possible, donc chacun pour soi et Dieu contre tous, comme on dirait, que c'était un peu l'esprit de l'époque néolibérale. Alors si vous signez, s'il vous plaît, parce que c'est important que l'école sache que nous sommes quelques-uns ici. Dans ce sens-là, alors, le terme narcissisme qui était resté plutôt rare, le terme technique jusqu'aux années 60-70, a dernièrement effectivement rencontré un certain succès. Et je vous rappelle trois livres qui ont été publiés en France dans les 15 dernières années. Ce n'est pas nécessaire de les écrire, je cite seulement pour exemple. Albert Heguet, Le pervers narcissique et son complice, publié en 2003. Un livre de Marie-France Irigoyen, le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, publié en 88 par La Découverte. Et il y a trois hommes, Pascal Chapeau Morelli et Pascal Couderc, La manipulation affective dans les couples, faire face à un pervers narcissique. Donc j'ai même vu que, je crois, il y a l'année dernière, un grand journal, le Point, l'Express, etc., avait fait un numéro spécial consacré justement là aussi à la thématique du narcissique, comment se protéger, etc. Donc ce terme a actuellement un peu là à la côte. En plus, évidemment, cette figure de l'égoïste qui veut triompher contre tous, même qui est incapable de concevoir de véritables rapports d'amour et d'amitié, ça existe effectivement, nous le rencontrons tous les jours. Et on sait aussi que, effectivement, l'époque néolibérale, avec son esprit exacerbé de concurrence et de compétition, alors là, il y a deux débats sur cette époque. Soit elle a fait vraiment augmenter de beaucoup le nombre de narcissiques, des gens qui souffrent d'une pathologie narcissique, ou selon une autre interprétation, ils ne sont pas plus nombreux, mais ils sont maintenant beaucoup plus visibles, parce que, par exemple, la logique de la compétition, par exemple, de nos entreprises, dans une certaine manière, donc, favorise ce genre d'individus, donc des personnes qui, peut-être, dans une autre époque, aurait été classifié pratiquement comme antisocial ou pratiquement comme pas intégrable dans un collectif, parfois justement avec le même genre d'esprit, avec leur brutalité, avec leur manque d'empathie, peuvent aujourd'hui faire de grandes carrières, par exemple dans les entreprises où il s'agit par exemple de licencier le plus rapidement le plus de personnel possible sans se faire impressionner même par une vague de suicide. Donc c'est d'ailleurs un peu la même chose qu'avec les pédophiles, avec d'autres catégories. Donc on ne sait pas s'ils sont plus nombreux, ils sont devenus plus visibles. De toute manière, il y a aujourd'hui souvent un accord sur le fait que les narcissiques, les comportements on aurait classifié les narcissiques, sont devenus aujourd'hui d'un côté assez diffusés et ensuite aussi souvent acceptés, voire valorisés socialement, par exemple justement au titre de la compétence, au titre de la de bien gérer sa vie, au titre de savoir se faire valoir dans la vie, etc. Il y a aussi un fait assez curieux que, d'ailleurs je l'avais cité dans la présentation ici du cours, que il existe un livre qui s'appelle « Le manuel de la diagnose psychiatrique ». J'ai oublié c'est un très grand truc qui est fait aux États-Unis et qui prévoit une classification de tous les troubles mentaux, donc même avec des chiffres, avec des cycles, qui joue un rôle énorme, pas dans la psychanalyse, mais dans la psychiatrie officielle. Un rôle d'ailleurs souvent très critiqué, donc souvent jugé très néfaste, parce que c'est vraiment la psychiatrie qui catalogue et qui, en général, qui prévoit essentiellement des traitements médicamenteux pour tout genre de troubles. Et en plus, chaque fois, alors je crois, maintenant, ils sont, je crois, à leur quatrième édition, donc c'est tous les 10 ans, peut-être, on s'est remis au jour, et ça fait chaque fois des gros colloques, des grandes discussions entre les psychiatres sur la définition de la maladie mentale, et c'est en même temps c'est effectivement un miroir assez intéressant de ce que c'est considéré pathologique ou pas dans une société. Alors la chose curieuse, c'est que dans la dernière édition, ils ont pratiquement fait disparaître le trouble narcissique, donc c'est parce que ce n'est plus reconnu comme une maladie ou comme une perversion. Alors, c'est pratiquement dilué pratiquement dans la vie sociale habituelle. Donc certaines formes extrêmes évidemment sont toujours reconnues comme pathologiques, mais ce n'est plus reconnu comme une pathologie à part. Donc ce semble vraiment un peu la confirmation du dicton anglais que lorsqu'on met une indication sur le gazon n'est pas marché sur le pré, s'il y a trop de gens qui marchent, on finit évidemment, on enlève finalement le pancard. Le narcissisme n'existe plus justement parce qu'il y a tellement de narcissiques qu'on ne sait plus comment le délimiter par rapport aux autres. Justement, par rapport à cette espèce d'inflation du mot narcissisme, il faut quand même revenir un peu aux sources. Et justement, donc, vous avez à la pensée de Freud et de ses successeurs. D'abord, je pense que tout le monde connaît l'origine du mot narcissisme. Donc, c'était une mythe ancienne, donc la forme la plus accomplie se trouve, comme souvent, dans les métamorphoses de Ovide, qui démontre une autre fois donc, cette capacité incroyable des mythes, surtout grecs, donc, de résumer dans une histoire, dans une, donc, même des choses très complexes de la vie humaine. Donc, on sait évidemment que Freud a bien utiliser justement cette capacité du mythe d'expliquer des choses que pratiquement on ne pouvait pas exprimer de manière plus rationnelle. Évidemment, comme vous savez, je le dis juste pour ceux qui ne le rappellent pas, que Narcisse était donc une jeune extrêmement beau, donc, mais qui, sur lequel gravait une espèce de malédiction, qu'il ne pouvait aimer personne. Et donc même là, une nymphe Écho, donc qui tombait à bord de lui, n'était pas écoutée. Donc cette nymphe, elle se consommait en l'appelant jusqu'à ce qu'elle restait seulement sa voix et puis son corps. Donc c'était l'explication grecque pourquoi elle existe l'écho. Et donc une autre divinité, donc finalement pour le punir, donc lui avait pratiquement imposé donc d'aimer quelque de connaître lui-même sans réponse, donc de connaître lui-même les affres d'un amour donc sans réponse. Et donc finalement donc Narcisse il se regarde dans l'eau dans le miroir, donc c'est évidemment le sujet de nombreux tableaux, donc le plus connu je crois c'est probablement le tableau de Caravage qui se trouve à Rome. Et donc il tente donc finalement d'embrasser sur sa propre image, il tente donc d'y accéder, donc évidemment il ne réussit pas son désir, ne trouve pas d'accomplissement, et donc dans la tentative d'embrasser soi-même, il se jette dans l'eau et il se noie, et il est transformé, justement parce qu'il a toujours la transformation, j'ai oublié de le transformer dans la fleur du même nom. Alors déjà une première observation qui souvent a été faite, alors le problème de Narcisse, ce n'est pas seulement qu'il aime soi-même. Justement, ce serait une interprétation trop courte. Il aime son image. Donc, il n'aime pas quelque chose qui existe réellement. Donc, il aime quelque chose qui n'existe que dans la surface. Donc, quelque chose sans corps, donc sans réalité. Il se noie finalement justement dans la tentative vaine d'unir sa réalité avec cette non-réalité. D'une certaine manière, on peut dire qu'il meurt aussi parce qu'il ne réussit pas à établir vraiment une ligne de frontière entre le moi et le non-moi, comme nous allons voir. Ensuite, cela est décisif dans la définition psychologique du narcissisme, un effacement, une difficulté d'établir une limite entre le moi et le non-moi, c'est-à-dire le monde. Donc Narcisse, justement, il ne réussit pas à sortir de ses propres projections, donc il ne réussit pas à accéder à la réalité. Et on peut, au moins certains psychanalystes ont même dit que le fait caractéristique qu'il se perd, justement, il se noie dans l'eau, donc ce semble aussi déjà une indication du fait que finalement le narcissisme contient aussi ce désir de retourner à l'état intra-utérin, donc au liquide amniotique, où pratiquement il n'existe pas de différence entre le fœtus et le monde, donc comme un modèle d'une vie heureuse, sans désir et sans problème. Et donc le mythe Narcisse, même dans sa forme mythologique, semble de même être une allusion à ce désir pratiquement de retourner à une espèce de liquidité prénatale. Alors le mot donc narcissisme apparaît à la fin du 19e siècle, comme Freud lui-même l'admet qu'elle n'a pas inventé. Il y avait surtout un psychiatre de l'époque qui avait fait une première grande classification des perversions sexuelles, où il avait introduit le narcissisme comme quelqu'un qui traite son propre corps comme objet d'amour. Donc c'était considéré donc, au tout début comme une espèce de, entre guillemets, de perversion comme l'homosexualité, la zoophilie ou d'autres. Donc la psychiatrie de l'époque donc, évidemment, faisait ce délice de ce genre de classement. Après, donc, Freud commence à utiliser le mot autour de 1910. Je crois la première fois dans son écrit sur Leonardo da Vinci, donc c'est pour expliquer la genèse de son homosexualité. Et après, en 1914, et dans un petit écrit assez dense, qui est considéré aussi un de ses écrits les plus difficiles à comprendre dans cette implication, qui s'appelle pour introduire le narcissisme, zur Einführung des Narzissmus. Alors, quel est donc le rôle du narcissisme dans la pensée de Freud? Alors ici, évidemment, je ne veux pas faire maintenant un résumé de la théorie freudienne. Je pense que quand même tout le monde en sait au moins quelques bases. Et en plus, cela, évidemment, dépasserait absolument de ce qu'on peut faire ici dans une séance de séminaire. Donc, je vous rappelle donc, d'abord le cadre. Donc, Freud, après une longue préparation en étudiant surtout l'hystérie, en tentant de donner surtout une base aux névroses, de les expliquer avec un modèle encore assez proche des sciences naturelles et de la médecine de l'époque. Freud élabore vraiment sa propre théorie, et donc le livre donc, L'interprétation des rêves, qui est paru jusqu'au début des années 1900, qui reste aussi son livre majeur. Donc, il y a donc une espèce de première phase de sa pensée à peu près jusqu'à la Première Guerre mondiale, où donc Freud s'intéresse surtout donc aussi à la étiologie, donc à la naissance des névroses. Donc il explique qu'il a surtout des patients et des patientes donc, qui souffrent d'hystérie, qui souffrent de phobie et d'autres névroses de comportement. Et là, donc, il fait sa découverte essentielle, donc il existe une inconscient humaine, et donc, que notre conscience ou préconscience n'est pas tout, et même sur une petite partie, et la plus grande partie, nous sommes obligés de refouler donc, tout ce qui ne peut pas être admis à la conscience, mais que la partie refoulée peut... Va réémerger dans le rêve de l'un côté et de l'autre côté dans le symptôme névrotique. Donc dans la genèse des névroses, comme vous savez, tout le monde le sait, Freud donnait un rôle tout central à ce qu'il appelait au complexe d'Édipe et au complexe de castration, qui est comme important de se souvenir en parlant du narcissisme. Donc dans une première période, Freud s'intéressait donc surtout à l'enfant de l'âge à peu près 3-4 ans. Donc, déjà, comme vous savez, donc, si on devait synthétiser peut-être les découvertes les plus révolutionnaires de Freud, peut-être sont peut-être trois, je pense qu'on peut dire, donc c'est la découverte de l'existence même de l'inconscient. C'est-à-dire l'inconscient a été évidemment aussi décrit par d'autres philosophes du 19e siècle. Freud en donne une théorie plus ou moins scientifique. La deuxième, évidemment, c'est la découverte de l'importance de la sexualité par la vie humaine, aussi dans ses formes indirectes. Et la troisième chose, qui était peut-être même la plus révolutionnaire par rapport à toute la tradition de pensée même du 19e siècle, justement, c'est l'importance de l'enfant. C'est donc l'affirmation que tout ce qui est réellement important dans notre vie se passe déjà dans les premières années. Mais dans une première époque, Freud ne s'intéressait pas trop aux toutes premières années de la vie, mais plutôt justement à ce qui arrive autour de 3, 4, 5 ans, justement avec le complexe d'Édipe. Vous savez tous, donc c'est l'idée que les petits garçons donc commence à développer un désir sexuel pour sa mère, et donc il dans sa fantaisie, il couche avec sa mère. C'est le père qui le lui empêche et qui le menace même de lui couper les zizis s'il insiste. Et donc l'enfant est très effrayé par cette menace de castration. Après, il découvre qu'effectivement la petite fille n'a pas de pénis, donc ce qui donne une espèce de crédibilité à la menace paternelle, et donc le petit garçon accepte donc cette réalité, mais il est tout de même compensé assez vite parce que l'identification avec le monde, donc il s'identifie avec le père, donc il internalise cette prohibition, mais en même temps ça nous permet aussi de rentrer dans le rôle du père et ensuite d'autres autorités qui remplacent le père comme les enseignants ou d'autres figures sociales, et donc de rentrer peu à peu dans son rôle adulte et d'accéder finalement donc à une sexualité donc génitale donc, qui unit les autres formes de sexualité infantile. Et au moins à cette époque-là, Freud finalement ne savait vraiment pas trop quoi faire de la sexualité féminine dans ces cadres. Donc plus tard, donc, il a un peu évolué sur ce thème. Donc là, c'était si on veut, une espèce de socle de la. Dans les premières 10-15 années du développement de la psychoanalyse. Donc après, donc plus ou moins avec ce décrit sur le narcissisme, justement Freud rentre dans une nouvelle phase, donc où l'accent se place d'ailleurs aussi davantage sur les premières années de la vie, et justement sur le phénomène du narcissisme, et donc où Freud commence aussi à développer donc, sa théorie de la tripartition de l'appareil psychique, donc entre... avec l'existence donc du ça, de S, donc cette force impersonnelle, donc qui sont tous les désirs que les désirs plus ou moins inconscients que nous avons, une grande partie sont déjà avec lesquels déjà nous naissons une bonne partie. Donc après évidemment avec le moi, donc qui est de certaine manière la partie la plus humaine, mais aussi la plus faible, et plus tard donc, Freud introduit donc le concept du surmoi. Et donc c'est dans cette idée là. La identification, l'introjection, comme on dit, une partie consciente, une partie non consciente, donc avec des figures d'autorité, donc d'abord avec la figure du père, qui représente les exigences sociales et donc qui oblige, automatiquement, qui oblige de tenir à front les aspirations du ça, c'est-à-dire ces pulsions naturelles. En même temps, à peu près à la même époque, un peu plus tard vers 1920, Freud, dans les 20 dernières années de sa vie, commence aussi à s'occuper beaucoup plus de l'interprétation du phénomène de la vie humaine et de la culture, et donc qui dépasse le cadre médical de ses premiers écrits, et donc avec des écrits comme Au-delà du principe des plaisirs. La psychologie des collectivités, l'analyse du moi et le malaise dans la culture, donc Freud commence donc aussi à interpréter donc même la vie collective, le phénomène de la guerre et d'autres éléments à la lumière de la théorie psychoanalytique. Et c'est justement dans ces cadres-là que le concept de narcissisme commence aussi à avoir un rôle majeur. Alors, encore une observation donc, préliminaire. Donc, alors, il n'est pas facile finalement de comprendre ce que c'est exactement le narcissisme, déjà chez Freud lui-même et encore moins pour ses successeurs. Parce qu'en vérité, il y a beaucoup de concepts chez Freud qui sont d'une certaine manière mal définis. Je ne l'ai pas amené, donc il y a ce dictionnaire effectivement très bien fait et très classique de Pontalis et Laplanche, le dictionnaire de la psychoanalyse, qui effectivement reste aussi très sombre parce qu'il se concentre essentiellement sur l'œuvre de Freud et sur ceux de ses successeurs qui sont le plus universellement reconnus comme Melanie Klein. Mais là aussi, on reste parfois effectivement d'une certaine manière perplexe parce que la pensée de Freud était une pensée, un mouvement perpétuel. D'ailleurs, il a admis lui-même, donc il écrivait en général, il publiait chaque chose dès qu'il avait terminé. En général, il présentait en général cette thèse comme une espèce de thèse de travail provisoire pour voir si ça marche parce qu'évidemment, Freud ne voulait jamais être un théoricien pur, parce que donc, tous devaient toujours trouver des confirmations dans la clinique, donc c'est-à-dire dans l'observation des malades. Voilà pourquoi Freud était toujours disponible aussi à revoir sa théorie, et parfois l'année après, à dire parfois le contraire de ce qu'il avait dit avant, ou surtout de modifier sa théorie, voire même souvent d'utiliser le même terme de manière différente d'un ouvrage à l'autre. C'est sûr que cela a beaucoup contribué à l'accusation de peu de scientificité qu'on a adressée à la psychoanalyse depuis le début. En plus, ce sont des attaques qui sont rituellement renouvelées, par exemple dernièrement en France avec l'ouvrage, je pense, vraiment très bête de Michel Onfray, mais je pense que cela, on en a eu dès le début. Évidemment, le fait que Freud a été beaucoup attaqué la psychanalyse ne démontre pas, ex contrario, qu'il avait raison, ce n'est pas là le cas. Il y a beaucoup de choses à critiquer, ou peut-être, comme disait Adorno, disait que dans la psychanalyse, il n'a rien de vrai que ses exagérations. Mais c'est un peu même pas la même chose comme pour Marx, même dans ses exagérations, même dans ses erreurs et dans ses errances, je pense que l'œuvre de Freud reste infiniment plus stimulante que d'autres œuvres qui peut-être n'ont pas les mêmes contradictions. Et en plus, je répète, Freud n'a jamais prétendu d'écrire un ouvrage définitif où il explique mais chaque ouvrage était pratiquement conçu comme l'étape d'une espèce de savoir en construction qui souvent parfois confirme d'autres fois aussi invalide au contraire donc le résultat antérieur. Alors encore, avant de rentrer un peu dans ces petits écrits sur le narcissisme, alors évidemment une chose qu'il faut rappeler dans la théorie psychoanalytique, que la théorie Freud a donc distingue entre deux types de pulsions. Donc, c'est très essentiel. Donc, ce sont les pulsions de autoconservation, qu'il appelle aussi les pulsions du moi, et les pulsions libidinales. Donc, c'est une distinction absolument fondamentale. D'ailleurs, son grand désaccord avec son premier grand élève, entre guillemets, traître, donc Carl Gustav Jung, elle est exactement sur ça, parce que Jung voulait admettre une espèce d'énergie psychique générale, tandis que Freud a toujours insisté sur la séparation, insisté qu'il existe une énergie qui est libidinale et qui reste effectivement une énergie du type sexuel, donc c'est-à-dire, en termes techniques, une énergie qui trouve son dernière origine dans la excitation des zones érogènes. Alors, ça veut aussi dire, donc ces pulsions qui ne sont pas vraiment des instincts, parce que c'est quelque chose qui se pose à la frontière entre le somatique et le psychique. Et ce ne sont pas des instincts parce qu'ils n'ont quand même pas un caractère toujours fixé. Donc, justement, il y a une espèce de mobilité dans les pulsions qui le distingue des instincts des animaux. Nous avons donc d'un côté l'instinct d'autoconservation, donc le prototype c'est évidemment la faim, c'est la soif, donc c'est la nécessité de maintenir son corps. Donc l'autre, justement, comme je dis, ce sont les pulsions libidinales, donc c'est le désir de recevoir un plaisir à travers une stimulation du corps en général, plus précisément en général de ce qu'on appelait les zones érogènes. Alors, une chose importante, c'est que, là, il faut souligner comme tout de suite plusieurs choses. D'abord, alors, ces deux types de pulsions ne peuvent pas être convertis l'un dans l'autre. Donc, je veux dire, ça reste des choses différentes. La deuxième chose, c'est que chaque type d'énergie reste constante, c'est-à-dire il n'y a pas une augmentation. Donc, et voilà pourquoi chez Freud, comme nous allons voir tout de suite, même la libido peut être en partie à l'intérieur du moi, et après elle va se renverser vers les objets externes, et à partir des objets externes, elle peut aussi refluir vers le moi, mais elle reste constante, donc il n'y a pas possible d'augmenter, de diminuer cette énergie psychique, elle peut simplement être distribuée différemment. On a souvent appelé, même avec certains dédains, cela un modèle hydraulique. Donc c'est comme si l'énergie psychique était une espèce de liquide qui pouvait être endigué, être dirigé dans une direction, ou plutôt vers une autre. Donc en effet, il y a toujours cette idée de quelque chose de liquide, une espèce de flux. Mais quand même, ce modèle, je pense, a quand même démontré souvent, donc effectivement, son utilité, ce qu'on appelle le modèle hydraulique. Freud était né quand même toujours à un caractère scientifique de sa théorie. Il aurait même voulu vraiment les lier le plus étroitement possible, même aux sciences naturelles, même en espèce, même au conducteur nerveux. Et donc, il aurait même aimé qu'en plus, même mesurer scientifiquement ce genre d'énergie psychique. Et donc, il avait horreur, donc, justement, de la mythologisation de la libido, de l'énergie psychique chez Carl Gustav Jung. Donc nous naissons donc avec ces deux types de pulsions qui peuvent évidemment aussi être dérivées du même objet. L'exemple classique, c'est donc le premier acte auquel on donne toujours tellement d'importance dans la psychanalyse, c'est évidemment le nouveau-né qui tète du sein. Et donc qui pond le lait, et c'est une activité évidemment d'autoconservation, mais c'est aussi une activité évidemment libidinale, donc il prouve du plaisir dans cet acte-là. Et la preuve aussi, il le fait que donc très vite, donc il découvre donc le nouveau-né qu'il peut aussi avoir le même type de plaisir en suçant son pouce ou d'autres parties de son corps. Et donc là, il n'a plus d'autoconservation parce qu'évidemment, il ne se nourrit pas, mais le plaisir peut rester à peu près le même. Et donc, dans ces cas-là, nous avons déjà une forme d'une énergie libidinale qui est détachée du but de l'autoconservation. Donc, il y a donc comme. Comme on traduit en français, avec un étayage des pulsions libidinales au début sur les pulsions d'autoconservation. Donc les premières pulsions libidinales sont liées d'abord justement à l'alimentation, et donc c'est ce qu'on appelle aussi la libido orale ou la phase orale, donc la plus ancienne. Après, et donc, il y a une autre forme d'excitation qui dérive justement de la fonction de défécation, et donc c'est ce qu'on appelle donc l'érotisme anal, où donc l'enfant donc combine les fonctions donc évidemment de la toilette avec également il découvre que ça peut être une parce que c'est une stimulation des mucoses et donc ça peut donc également donc donner un plaisir qui également peut aussi se détacher finalement de son fonctionnement d'autoconservation. Et il faut quand même aussi dire que surtout à l'époque de Freud, il fallait quand même un certain courage de parler de toutes ces choses entre guillemets honteuses donc dans les écrits scientifiques et en public, à faire des cours à l'université, etc. On oublie parfois ça. Troisième chose, je pense, assez importante dans ce discours, il y a aussi cette très grande différence entre les pulsions d'autoconservation et les pulsions libidinales, que les pulsions d'autoconservation sont assez rigides, elles sont peu mobiles, elles demandent une satisfaction, ou c'est ça ou c'est rien. En effet, si nous avons faim, nous voulons manger, rien ne nous sert de lire un livre de cuisine. Au contraire, ça va encore empirer la situation, non? Donc, on ne peut pas, très peu dans ces domaines, remplacer une satisfaction avec une autre. Et là, c'est très différent dans le domaine des pulsions libidinales. Là, au contraire, donc, il y a une grande mobilité. Donc, la libido se déplace assez facilement d'un objet à l'autre. Même si elle a, dit Freud, une tendance à parcourir toujours le même chemin, toujours la même voie, une fois déjà défrayée. Mais elle peut se déplacer. Et c'est là, justement, toute la... Et évidemment, c'est là un des facteurs les plus importants de la vie humaine, donc justement le fait que les pulsions libidinales peuvent prendre mille autres formes, qu'elles peuvent aussi s'éloigner beaucoup de la pulsion sexuelle primaire, donc apparemment n'avoir rien à voir. Et justement parce que d'abord parce qu'il y a surtout une capacité de remplacer dans ces cas-là avec l'imagination. Et donc de déplacer la libido vers des objets de substitution, donc que finalement on peut avoir d'une certaine manière qui font aussi, certaines manières sont aussi donc aussi à l'origine profonde finalement aussi de tout ce qui est plus précisément humain, de tout ce qui est culture, de tout ce qui est création du monde matériel autour de nous, etc. C'est là Et est-ce qu'on se demande de l'énergie libidinale déplacée vers d'autres buts? Est-ce que c'est à peu près clair jusqu'ici? Je vous dis peut-être des choses que vous connaissez déjà, en même temps que je me rends compte, il n'est jamais inutile de revenir sur des choses déjà connues, même pour soi-même. Alors, dans son écrit de 1914, donc pour l'introduction du narcissisme, un écrit de à peine peut-être 25 pages, donc Freud donne une première systématisation. Comme je l'ai dit, il avait déjà utilisé ce terme depuis quelques années. Donc d'abord, le narcissisme n'est pas ici, comme chez le psychiatre que j'avais cité avant, donc le narcissisme n'est plus ici une perversion, ce n'est plus un problème donc, qu'il faudrait guérir comme ça peut être une phobie. Mais maintenant, le narcissisme est une partie nécessaire de la vie humaine, faut dire comme l'égoïsme. Donc l'être humain ne pourrait pas vivre sans une certaine... dose d'égoïsme, certainement donc l'homme doit donner, lorsqu'on a faim, on doit donner la précédence en ce moment-là, même par rapport à toutes les autres choses, à manger. Et donc, de certaine manière, le narcissisme serait donc dans le domaine des pulsions libidinales l'équivalent de l'égoïsme dans le domaine de l'autoconservation. Donc, c'est effectivement une espèce donc, de priorité du moi, qui donc dans une certaine phase de la vie donc est absolument naturel et nécessaire. Donc ici Freud commence donc ici donc et introduit une distinction qui est assez importante pour notre discours futur, mais qui dans le premier écrit de Freud est à peine ébauché, c'est la distinction entre un narcissisme primaire et un narcissisme secondaire. C'est assez important. Donc le narcissisme primaire est donc un état plus ou moins originaire de l'être humain, c'est-à-dire du nouveau-né, lorsque toute la libido est rassemblée dans le moi, c'est-à-dire dans sa propre personne. Le narcissisme secondaire, on va parler un peu plus tard, est le fait que cette énergie libidinale, donc, qui est envoyée vers les objets externes, donc c'est l'exploration du monde, lorsqu'elle retourne d'une manière excessive vers le moi, nous avons le phénomène du narcissisme secondaire. Nous ne sommes pas encore là. Alors, donc, dans cette première conception du narcissisme chez Freud, donc le narcissisme, ce n'est pas la toute première étape du développement de l'être humain. Donc après, il change d'idée. Et mais donc, ici, donc, la première étape pour Freud, c'est l'auto-érotisme. Donc ça veut dire donc l'enfant commence donc, un peu à découvrir son corps, à se toucher, donc classiquement surtout donc, à sucer son pouce, et à découvrir qu'il peut se donner plaisir à soi-même. En vérité, l'enfant ne sait même pas qu'il se donne plaisir à soi-même parce qu'il n'est pas encore, c'est très important ici dans la... il n'a pas encore une distinction claire entre le moi et le non-moi. Donc l'enfant ne distingue pas vraiment clairement entre soi-même et la mère ou celui qui remplace la mère, ou celui qui remplace la mère, et le monde qui le... Qui l'entoure. Donc il y a une espèce, donc il y a une espèce de perception du tout comme une espèce d'unité. Et donc, en général, les psychanalystes disent aussi que l'enfant sente aussi même le sein de la mère comme une espèce de partie de soi-même, donc, et pas la mère comme une personne distincte. Peut-être ici, ouvrir une autre parenthèse, on peut se demander comment on fait savoir tout cela. Justement, c'est une bonne question qui d'ailleurs nous pose des fois effectivement un mystère qui pour nous, c'est aussi une réflexion que moi que je fais, il est plus facile peut-être de savoir ce qui se passe au confin de l'univers, à des milliards d'années de lumière, plutôt que de savoir ce qui se passe dans la tête du nouveau-né. Donc moi aussi j'ai deux enfants, moi ça reste vraiment, dans les premières années, tu ne peux vraiment pas savoir ce qui se passe dans cette tête-là. Et nous tous nous sommes passés par cette phase, personne n'a jamais pu vraiment se souvenir clairement qu'est-ce qui se passe. Donc ça reste vraiment plus mystérieux la vie de nouveau-né que la vie dans les étoiles. Donc c'est quand même... La psychanalyse donc prétend être pratiquement la seule, euh, la seule voie d'accès pour savoir ce qui se passe, évidemment pas de manière directe, mais en général, justement, avec l'idée fondamentale pour la psychoanalyse, qu'au cours d'un traitement psychoanalytique, les patients remontent d'une certaine manière le cours de son propre existence, et aussi par certains discours, des rêves, des lapsus, etc., elle reprend aussi des éléments toutes premières de sa vie. Et la même chose arrive aussi dans certaines maladies mentales où elle régresse vers le tout premier mois de sa vie et on a les mêmes réactions et que l'étude de ce surtout de régression, non contrôlée dans la psychose ou contrôlée dans une psychoanalyse, permet de certaine manière de comprendre indirectement ce qui se passe dans la toute première enfance. Mais il faut admettre que ça reste quand même effectivement pas une science mesurable, c'est quand même très largement une question d'interprétation, c'est quand même une question de tenter de comprendre, par exemple, pourquoi le comportement d'une par exemple d'une adulte, en quoi il peut reproduire par exemple le schéma même des premiers mois de sa vie. Et évidemment, comme toute interprétation, le marge de manœuvre reste très large, d'autres pourraient proposer des interprétations très différentes. Voilà pourquoi, sur toutes ces raisons, la psychoanalyse donc, n'est pas reconnue comme une science par les sciences dures. Je pense que là aussi, elle fait aussi mal lorsqu'elle tente de se faire reconnaître, comme d'ailleurs Freud même a peut-être trop insisté même pour se faire reconnaître comme une science, je pense. Il faut quand même admettre que la valeur de la psychoanalyse... Tu n'as pas Excuse-moi, non. Que la valeur de la psychoanalyse réside quand même plutôt dans une espèce d'interprétation globale de la vie humaine plutôt que dans une capacité de démontrer chaque affirmation particulière. De toute façon, il y a quand même une découverte en neurologie qui n'anéantissant en rien la psychanalyse, mais qui montre dans certains points sur la mémoire, etc., que Freud, au moment où il écrit, il n'a pas connaissance et il ne tient pas compte d'un certain nombre de réalités. Partielle du corps humain et qui sont avérées. Mais ça n'en atténue en rien l'intérêt de la... Enfin, si, ça atténue, mais ça n'atténue pas totalement l'intérêt de la psychanalyse. Voilà. C'est d'une façon un peu amusante et de vulgarisation, mais c'est le Precht, le philosophe allemand qui actuellement essaie de faire un peu... un travail un petit peu de vulgarisation et de confrontation avec les sciences dures est très intéressant parce que ce livre, alors c'est... Qui c'est le logo ? Precht, Richard Precht. Precht, qui... Oui, et il a fait un livre très amusant avec... Il y a des questions de Kant un peu dans le titre, qui suis-je ? Enfin, avec un retournement amusant. Et il a traité de... Il a traité constamment de la confrontation. Et moi, à mon avis, c'est beaucoup plus, 100 fois plus intéressant que le livre d'Onfray, parce qu'on voit bien que dans tel ou tel domaine, la psychanalyse a été dépassée par des découvertes qui ne correspondent pas exactement à ce qui a été dit. Et on voit encore tout le champ qui reste intéressant pour la psychanalyse, y compris dans les thérapies. Oui, mais on dit que c'est de tout. Ce débat nous portera très loin, mais de toute manière, je pense que ce n'est pas ce qui est important ici pour comprendre le phénomène. De toute manière, je ne pense pas qu'on pourrait retrouver au niveau neurologique le complexe de castration ou la présupposée haine du nouveau-né pour sa mère, comme chez Mélanie Klein. Donc, on ne peut pas le retrouver avec des résonances magnétiques au cerveau. Donc, ça reste effectivement une interprétation qu'on peut trouver convaincante ou pas. Donc, comme dans sa propre vie, on peut faire l'expérience aussi dans l'interprétation sociale. Et donc, ce manque d'une conscience du soi, de son unité chez les nouveau-nés, est aussi lié à un fait auquel déjà Freud faisait allusion, mais qui est beaucoup plus développé par d'autres de ensuite, c'est le fait que c'est la néothénie de l'homme, dans ce terme technique, pour indiquer le fait que l'être humain naît trop tôt. Donc l'être, même par rapport au songe, l'être humain est né dans un état extrême de détresse et donc d'une capacité évidemment physique très prolongée. Donc, donc il ne peut rien faire, même pas marcher, même pas arriver tout seul à téter. Et donc on peut, je pense là aussi, effectivement il y a un lien aussi avec la biologie, dire d'une certaine manière l'être humain, particulièrement que le premier mois du développement extra-utérin de l'être humain, en vérité, encore prolonge assez largement le développement intra-utérin, donc le nouveau-né reste à beaucoup d'égards dans un état presque d'une fœtus. Et cela donc est vrai aussi sur le plan psychique, donc ça veut dire donc pour l'être humain son expulsion abrupte et d'une certaine manière prématurée donc du corps maternel est probablement le plus grand choc de la vie du nouveau citoyen du monde. Et donc d'une certaine manière, surtout dans les premiers mois de sa vie, d'une certaine manière, donc le nouveau-né doit faire tous aussi de certaine manière pour diminuer ce choc de confrontation avec le monde. Parmi d'autres choses, en dormant énormément, mais déjà en dormant jusqu'à 20 heures par jour, de certaine manière, il prolonge directement donc cette espèce de unification avec le corps maternel qui existait avant la naissance. Donc de se détacher de cette union initial avec la mère, d'une certaine manière, est la tâche peut-être la plus difficile de l'être humain. Et comme nous allons aussi voir ensuite, la discussion sur le narcissisme, donc, même au cours du XXe siècle, a toujours plus développé cette idée-là. Donc le narcissisme donc, est toujours effectivement le résultat de cette lutte de l'être humain pour cette lutte contradictoire où l'être humain, d'une certaine manière, en même temps, évidemment, doit se confronter à la réalité, donc et en même temps il garde toujours une espèce de nostalgie de cette espèce d'union primaire, d'abord intra-utérine et après dans les premiers mois de la vie, donc il tente toujours certainement, il se rend des tâches assez mal volontaires, plutôt sous la pression de la réalité externe. Et de certaine manière, donc, toute cette lutte entre ce que Freud appelle le principe de plaisir, le principe de réalité dans la vie est aussi a aussi été interprété par certains auteurs comme une lutte justement par sauvegarder le narcissisme originaire, on peut même y revenir, et de l'autre côté, l'adaptation inévitable aux objets du monde et aux satisfactions réelles qu'ils peuvent offrir. Et donc justement aussi l'importance sociologique du concept du narcissisme réside aussi justement dans cette dimension-là, donc la possibilité d'interpréter aussi la culture humaine et le comportement humain comme lié à cette dialectique, donc à cette mouvement sans, d'une certaine manière, contemporain de vouloir revenir en arrière et de vouloir s'ouvrir au monde, donc, une lutte où d'ailleurs, évidemment, tous les deux, les mouvements sont nécessaires à la vie humaine, et donc on ne pourrait pas vivre sans un certain équilibre entre cette tendance centrifuge et centripode. Et donc justement, cette importance du narcissisme et ce désir de certaines manières de sauvegarder ou de revenir à cette espèce d'état initial, donc juste probablement lié aussi au fait que dans l'être humain, cette étape de la vie dure beaucoup plus longtemps que même chez d'autres mammifères. Bien sûr. C'est vrai que l'éléphant, je pense, a une gestation de 2 ans, je ne sais pas si les éléphants sont peut-être encore plus narcissiques, tentent encore plus longuement dans leur vie de revenir à cet état. Alors, donc dans cet écrit sur le narcissisme de 1914, donc Freud donc, introduit une distinction importante entre la libido du moi et la libido des objets. Distinction, donc il n'avait pas avant été fait très clairement, donc la libido du moi, donc c'est évidemment, c'est l'amour évidemment pour soi-même, donc l'amour concentré dans le sujet qui est né, la libido, et l'amour l'amour des objets, donc c'est évidemment l'amour pour l'objet au sens, évidemment, que ce sont surtout des personnes, mais ça peut aussi être des objets, et donc des objets matériels, des idées, donc tout ce qui est hors du moi, tout ce qui est le non-moi. D'ailleurs, comme disent Laplanche et Pontalis dans leur dictionnaire, dans la traduction française, libido du moi et libido des objets, il faut que je compte que moi et objet, on dit que ici, l'objet à laquelle sa libido s'adresse et pas l'origine. Donc la libido des objets, évidemment, c'est la libido adressée aux objets, pas la libido qui trouve son origine dans les objets. La même chose pour le moi. Donc nous avons donc deux niveaux. Donc c'est écrit, donc Freud parle du présupposé qu'au début de la vie, il n'y a pas une moi, donc il n'y a que le pulseur autonome. Donc l'enfant explore son corps et trouve son plaisir où il peut, mais il n'a même pas l'idée que, par exemple, sa bouche et d'autres parties de son corps font une unité. Donc chaque pulsion, d'une certaine manière, donc chaque pulsion cherche donc sa satisfaction de manière autonome ou, si on veut, anarchique. Donc par rapport à cette première espèce de démorcellement originaire du corps humain, donc le narcissisme est présenté au début par Freud comme une première unification du corps. Donc ça veut dire, donc le narcissisme, l'être humain donc, n'aime pas seulement son pouce, on n'aime pas seulement son pied, etc., mais il aime soit autant que totalité. Donc le narcissisme primaire aurait donc une importante fonction positive, parce qu'il contribue à la formation du moi. Donc du moi conçu comme un objet d'amour. Donc ici, le petit enfant donc, aime, donc, commence d'abord à aimer soi-même. Évidemment, pas aimer dans un sens moral, mais effectivement, à certaines manières, vouloir, à certaines manières, tirer plaisir de ça, du rapport avec soi-même. Donc justement, c'est ce que Freud appelle le narcissisme primaire. Donc ici, il dit avec une formule devenue classique, ici, c'est le moi qui est le grand réservoir de la libido. Donc la libido naît d'abord dans le corps, donc naît d'abord de la tension qui se crée dans les zones érogènes. Et donc cette libido, cette énergie, après, donc elle peut être envoyée vers l'extérieur, mais aussi, donc, c'est-à-dire on peut envoyer dans l'extérieur, ça veut dire qu'on peut commencer à aimer d'autres objets. En général, le premier objet d'amour, c'est la mère. Donc après, ça peut être d'autres personnes de l'entourage, mais ça peut aussi être un doudou, finalement. Donc, évidemment, en devenant plus grand, l'enfant peut aussi commencer, évidemment, à aimer d'autres figures, pour aimer des idées, etc. Toute la vie, pratiquement, consiste en le fait d'envoyer cette libido vers des objets. Mais important, donc la libido est mobile, donc elle ne reste pas fixée, elle peut aussi refluir vers le sujet qui les envoie. Justement, on peut perdre son amour pour une personne, pour un objet, et on peut, et dans ces cas-là, la libido peut aussi revenir vers le sujet, elle peut se déplacer vers d'autres objets, bien sûr, mais elle peut aussi revenir vers soi. Donc le sujet peut être en différentes formes, nous allons dire tout de suite, si se concentrer sur soi-même. Parce que tout cela est lié, comme nous avons dit, au principe de constance, donc la libido reste constante comme une espèce de liquide et peut simplement se déplacer. En effet, c'est d'ailleurs intéressant de voir que Freud utilise souvent aussi des termes comme économie ou économique, donc il imagine cela aussi comme une espèce presque de placement, donc il utilise souvent des métaphores comme ça, comme si les libido étaient une espèce de capital qu'on peut placer dans différentes entreprises, mais aussi retirer et le faire rentrer à la base. Même si, parenthèse, il est vrai que Freud utilise beaucoup de métaphores économiques, mais un terme important dans la psychanalyse, c'est l'investissement, on dit en français, mais là, Freud n'est pas économiste, parce que ici, le terme français investissement, donc le fait de donner de l'importance libidine à quelque chose, là, en allemand, c'est Besetzung, qui veut dire plutôt charge ou occupation. Donc, il n'a pas un sens économique. Donc, ici, c'est la traduction qui a rendu Freud encore plus économiste avec ses investissements émotifs ou libidinales. Donc, pour expliquer donc, cette espèce de va-et-vient entre le moi et le monde extérieur, Freud, plusieurs fois, donc, il fait une parabole avec les animalcules protoplasmiques, donc ces êtres extrêmement primitifs, donc, qui peuvent former des pseudopodes, donc qui peuvent avoir comme des fils vers l'extérieur. Donc, vous pouvez regarder cela sur Wikipédia, donc c'est une espèce de bactéries donc ils peuvent développer, donc ils sont, ce ne sont même pas des bactéries, donc ce sont quelques molécules même, qui sont des êtres vivants, qui peuvent aussi pour se déplacer, envoyer un peu comme les escargots, des espèces de corps, mais qu'après aussi qu'ils peuvent le faire retirer, récupérer leur forme initiale complètement compacte. Et donc, Freud était très convaincu que cette espèce d'animalcule protoplasmique sont une espèce de métaphore du moi, donc qui peut envoyer l'individu à l'extérieur, mais qu'elle peut aussi la faire rentrer. Et donc, si donc initialement, au début de la vie, tout l'individu est concentré dans le moi, évidemment, tout le reste de la vie est une espèce d'équilibre, aussi déséquilibre, justement, entre la libido du moi et la libido objectale, qui peut, évidemment, ça peut, la composition peut changer tout le temps, mais il faut, à la longue, il y a un équilibre, par exemple, évidemment, si il y a un excès des libido qui va vers les objets, et on arrive à une espèce d'appauvrissement du moi, et donc où le moi, par exemple, dans les sacrifices volontaires pour une cause, ou lorsqu'on devient tellement amoureux qu'on oublie même de manger, par exemple, dans ces cas-là, donc le moi finit pour s'appauvrir totalement et même à négliger son autoconservation parce qu'il a totalement placé sa libido vers un objet externe. Mais c'est peut-être relativement rare. Ce qui est plus fréquent, et de toute manière ce qui intéresse en matière de narcissisme, c'est le contraire, donc c'est le retrait de la libido vers le moi dans des formes excessives. C'est excessif parce que Freud présuppose qu'une, là aussi nous sommes toujours dans des modèles hydrauliques, un excès de libido donne le moi des vents douloureux, pratiquement créé comme une espèce de stase, comme une espèce de trop-plein. Toujours se rappeler que toute sa théorie de Freud se base toujours sur l'idée que la tension est quelque chose de déplaisant et que donc tout le but de l'organisme c'est toujours de décharger les tensions. Les excitations, si elles dépassent un certain degré, sont ressenties comme un déplaisir et on cherche donc de diminuer la tension. Par exemple, nous diminuissons la tension de la femme en mangeant. Et également, donc, même les tensions libidinales, donc, ça dépasse un certain degré, donc, commence à devenir déprésent, donc, il faut trouver une décharge. Et voilà pourquoi, donc, un excès de libido dans une espèce de réservoir, de bassin du moi, donc, finit également pour devenir pathogène. Alors, là, justement, alors dans cette première phase, donc Freud s'intéresse quand même à narcissisme comme une pathologie, donc au narcissisme excessif, parce que là, Freud s'intéresse beaucoup à ce que justement à l'époque il appelait les névroses narcissiques, qui sont ce qu'aujourd'hui nous appellerons plutôt des psychoses. Comme j'avais dit, d'abord, Freud s'était intéressé dans une première phase surtout aux névroses compulsionnelles, donc surtout aux gens en phobie, par exemple. Et donc après, on avait comme fait une distinction justement avec ce qu'il appelle les névroses narcissiques. Donc c'est une psychose comme ce qu'à l'époque on appelait la démence précoce, qui aujourd'hui normalement, au moins juste pour une certaine période, a été classifiée, considérée comme la schizophrénie, ou la paranoïa, ou la mégalomanie. Donc là, ce sont dans toutes ces psychoses, ou les névroses narcissiques, donc il y a un reflux excessif de la libido vers le moi. Évidemment, le reflux excessif de la libido ne veut pas nécessairement dire ici qu'on s'aime trop soi-même, mais il y a une concentration de la libido, donc l'intérêt donc, est pratiquement totalement retiré du monde extérieur. Donc la paranoïa, on reporte le monde entier à soi. On pense que tout ce qui arrive a un rapport à toi, que tout le monde est contre toi, tout le monde te persécute. Donc ça veut dire, dans ce moment-là, Donc il n'y a plus de rapport libidineux vers l'extérieur, mais tout est concentré dans la défense de sa propre personne. Même chose dans la maladie, qui soit la maladie d'une autre forme temporaire, lorsque un organe nous fait mal, donc rien ne nous intéresse plus dans le monde externe, seulement le mal que nous éprouvons. Là, il cite même un poète comique allemand sur le fait que lorsque nous avons une rage aux dents, particulièrement qu'elle existe, nous oublions le monde entier, donc toute notre libido, toute notre capacité d'aimer est concentrée dans notre bouche. Nous ne sommes plus capables d'éprouver de l'intérêt pour quelque chose d'autre. Évidemment, l'intérêt est ici une forme d'investissement libidinal. Mais lorsque nous avons une rage aux dents, nous ne sommes pratiquement plus capables de faire des investissements, pratiquement d'envoyer de la libido vers des objets externes. Donc, évidemment, comme toujours, libido n'est pas seulement à prendre dans un sens strictement sexuel, mais dans un sens général d'un intérêt, d'une sympathie, d'un goût pour quelque chose qui va au-delà de l'autoconservation. Et justement, lorsque nous avons une rage aux dents, nous ne prenons plus aucun intérêt au chapitre sur le fétichisme chez Marx, donc ça veut dire, dans ce cas-là, nous retirons, par exemple, notre investissement libidinal dans le chapitre sur le fétichisme, nous le faisons rentrer, justement, dans la considération de notre rage aux dents. Peut-être cet exemple explique peut-être mieux ce que ça veut dire de retirer ses investissements. Évidemment, la chose la plus commune, c'est le sommeil. Dans le sommeil, évidemment, nous retirons au monde extérieur tout notre intérêt. Nous ne nous intéressons qu'à nous-mêmes, aussi parce que, comme Freud a toujours insisté dans toute son analyse de rêve, les rêves sont toujours absolument égoïstes dans le sens qu'on ne s'intéresse qu'à sa propre personnalité et à sa propre histoire. Donc, le sommeil est dans une condition absolument narcissique. Même chose pour la mélancolie, pour la dépression, parce qu'essentiellement dans la dépression aussi, pratiquement, on ne réussit plus à trouver de l'intérêt, à investir sur rien d'extérieur, donc on est tout occupé avec soi-même. L'hypocondrie, d'ailleurs, un phénomène qui occupait souvent Freud, était également un phénomène narcissique, parce que, comme je dis, la maladie, donc, comporte une espèce de recentrage narcissique sur le moi, et donc peu importe que le mal soit réel ou imaginaire, dans l'hypocondrie également, donc la libido reflue vers le moi, et donc se retire des objets. Après, Freud parle du narcissisme dans la vie amoureuse de l'homme et de la femme, donc là, ses observations sont un peu plus leur époque, il insiste sur le fait que en général, la femme tente plus au narcissisme, donc est mieux à se faire aimer plutôt qu'à aimer l'autre. C'est tandis que l'homme, qui en général conçoit la femme aussi sur le modèle de son amour pour la mère, en général est plus disponible à investir justement dans un objet externe jusqu'à l'amour le plus fou. On s'oublie complètement soi-même, mais Freud même dit que cela n'est qu'une règle générale selon lui qui ne s'applique pas à tous les individus. Déjà dans cet écrit, donc, Freud donc, dit que, en vérité, nous nous séparons d'une certaine manière très mal volontaire de notre narcissisme originaire parce que c'est en vérité un état fortement agréable. Et donc nous aimons dans notre vie tout ce que nous rappelle notre narcissisme originaire. Je dis, cela a été beaucoup développé plus tard aussi par ses successeurs. Freud donne comme un exemple l'amour des parents pour leur enfant, particulièrement en faisant de l'enfant roi, donc particulièrement en tout permettant à l'enfant, en tentant avec l'idée que l'enfant doit avoir une vie meilleure de ce qui était la mienne, etc. D'une certaine manière, l'adulte, selon Freud, révalorise son propre narcissisme en le projetant sur l'enfant, en permettant à l'enfant donc, de vivre au mieux son narcissisme, d'une certaine manière, par reflet aussi aux parents. Vous me suivez à peu près? Parce qu'en plus, c'est comme drôle, donc tous ces discours, donc on parle de libido, de sexualité, d'autres, en même temps, ce sont des discours souvent tellement techniques, parfois aussi tellement arides. Il existe en plus des livres de Freud qui sont assez agréables à lire, comme l'interprétation des rêves, mais il y a d'autres écrits qui sont effectivement assez durs, coriaces à lire, justement aussi, avec le langage qui voit tout cela comme une espèce de mécanique avec leur modèle scientifique. Alors là, toujours dans ces peu de pages, Freud introduit un autre concept central aussi pour toute future considération sur le narcissisme, c'est l'idéal du moi. Alors, ici, Freud n'avait pas encore développé sur le concept du surmoi. D'une certaine manière, cette idée de l'idéal du moi est une espèce de première formulation du surmoi que Freud explique de manière accomplie presque 10 ans plus tard dans son écrit Le ça et le moi. C'est ça quand même, en même temps, deux choses assez différentes. Le surmoi est essentiellement, comme vous savez, donc c'est l'intériorisation des figures d'autorité donc, qui naissent classiquement donc, avec le déclin, avec le dépassement du complexe d'Édipe. Donc, c'est-à-dire donc, l'enfant, de certaine manière, introjecte donc, ces figures, même temps, au moment où tout va bien, s'identifie avec ces figures. Et donc, ils les sont après sur une forme de conscience, Freud dit même souvent sous forme de voix, donc qui disent par exemple aux personnes ce qu'ils doivent faire et ne doivent pas faire. Donc ça peut devenir pathologique, donc Freud explique le fait justement dans les névroses narcissiques ou dans les schizophrénies, très souvent les malades entendent des voix. Donc selon Freud, ce sont justement les voix intériorisées qu'une fois existaient réellement les éducateurs, des parents, etc. Mais dans une forme normale, donc le surmoi existe aussi sous le nom d'une conscience qui te dit ce que tu dois faire et pas faire. Okay. C'est un concept archi connu. Et on insiste très souvent aussi sur le fait qu'à l'époque de Freud, époque basée évidemment sur l'autorité visible, sur le pater familias, sur le prêtre, sur l'officier, donc sur le président de la République, etc. Le surmoi social était très fort et très, très répressif. On a très souvent insisté sur le déclin du surmoi et donc au cours de tout le XXe siècle. Donc, même beaucoup de psychanalystes, par exemple les lacaniennes, ont souvent insisté aussi sur la nécessité de restaurer une certaine surmoi comme une condition de santé psychique. Donc, mais là, on en parlera plus la prochaine fois lorsque nous parlerons de l'âge. Et à côté du surmoi, le surmoi reste quand même une instance répressive. Freud parle même de la cruauté du surmoi donc, vers le moi, qui souvent accable le moi de reproches et des critiques qui vont bien au-delà de tout ce qu'il, en plus qu'il le moi vraiment mérite. De l'autre côté, nous trouvons l'idéal du moi, donc ce n'est pas exactement la même chose. L'idéal du moi donc est plutôt l'idée que le moi se fait de soi-même, de ce qu'il veut être. Donc c'est justement une première investissement libidinal au-delà du moi. Donc le moi, donc tout cela, évidemment toujours aux premières années de la vie, donc plutôt que de vouloir seulement s'aimer tel qu'il est, il commence à s'identifier à des images idéalisées des autres et aussi de soi-même. Par exemple, l'idée, par exemple, de vouloir être un enfant qui plaît à ses parents. Et donc l'idéal du moi est donc la continuation du narcissisme parce que ça reste dans toute la vie. Donc l'être humain reste avec une certaine concept idéalisé de soi-même et en général l'être humain est heureux lorsqu'il se sent proche de cet idéal du moi. Évidemment, il ne faut pas. Peut-être faut même penser l'idéal du moi comme celui qui veut être, je ne sais pas, mais veut s'identifier avec un sauveur de la patrie ou avec une grande artiste ou d'autres. Mais en vérité, l'idéal du moi, c'est nécessairement une idéalisation au sens bourgeois. Ça peut aussi être le désir d'être le plus dur de tous, d'être un chef de gang, de n'avoir jamais une faiblesse. Ce sont toujours des idiots des mois. Dans toutes ces formes-là, le moi a une certaine conception de soi à quoi il veut ressembler. Et en général, le bonheur de la vie naît justement du fait lorsqu'il y a le plus possible une espèce de coïncidence entre cet idéal du moi et le moi. En même temps, cela arrive rarement, mais c'est justement il y a cette espèce d'écart permanent qui est aussi un élément du reproche permanent qui est justement le surmoi fait en général au moi de n'être jamais effectivement à la hauteur de ce qu'il devrait être. Donc, l'idéal du moi est donc une des formes laquelle on reste avec cette espèce de nostalgie de la perfection et de la toute-puissance originelle. Justement, le narcissisme reste comme une nostalgie parce que, vous l'avez dit, donc c'est lié donc à l'époque intra-utérine et à la première mois de vie, lorsqu'il n'y a pratiquement pas un écart entre les désirs et sa réalisation, donc l'être humain a une espèce alors évidemment, dans la vie intra-utérine, donc tout désir est satisfait avant même de pouvoir être conçu, parce qu'il n'est pas évidemment, il y a une sûreté totale, et évidemment il y a une espèce d'alimentation permanente, et donc il n'y a absolument pas une sensation, une distinction entre le on peut même pas dire le moi, mais entre ce qui est en train de se former, entre le fœtus et le monde qui le contient. Et donc on affirme souvent que donc tous les désirs d'une espèce de paradis, d'une espèce de nirvana, donc une espèce d'état sans tension, sans douleur, d'une certaine manière remonte à une quelque espèce de mémoire, même évidemment inconsciente, de cette espèce d'état totalement pacifique. En effet, un peu plus tard, Freud reprend aussi cette espèce de concept de nirvana, donc cette espèce donc le nirvana que cherchent les bouddhistes, donc cette espèce d'absence totale de tension, serait donc en vérité quelque chose que nous tous, nous avons connu avant de naître, donc qui reste dans nous comme une espèce d'idéal, une espèce de paramètre, comme le but vers lequel la vie humaine devrait tendre. Et un autre terme, d'ailleurs, que je pense Freud même avait récusé, que d'autres avaient repris, et qui était dénoncé par l'écrivain Romain Rolland, c'était le sentiment océanique. Donc, sentiment océanique, principe du nirvana, donc ce sont tous des différentes métaphores pour cette espèce d'état originaire. Il est vrai que, donc, dès que l'être humain naît, il est effectivement sujet à la frustration, parce que même si effectivement la mère ou celui qui remplace la mère tente de satisfaire tous les besoins de l'enfant, ça ne peut jamais être parfait. Il y a toujours des moments où il peut avoir faim, il peut avoir froid, ou quelque chose n'arrive pas comme il veut. Donc peu à peu, donc, le monde commence à démontrer un caractère hostile, et en plus, toute petite hostilité du monde pour le nouveau-né, pour le bébé, est tout de suite catastrophique, parce que d'une manière, il ne connaît pas des mi-mesures, et donc s'il ne peut pas téter tout de suite, ça devrait tout de suite ça lui créer probablement une angoisse mortelle. Donc voilà pourquoi les enfants crient tellement, donc, même lorsqu'ils ne peuvent pas avoir tout de suite ce qu'ils veulent. Mais, justement, si les frustrations sont trop fréquentes déjà dans les premiers mois de vie, on sait que c'est, en général, ça crée une grave pathologie, parce que là, l'être humain est tellement fragile, un besoin absolu, que justement, que son narcissisme soit conforté. Là, si d'autres psychanalytiques ont insisté, donc le rôle primaire donc, de la mère, du milieu, est justement de conforter ce narcissisme de l'enfant. Donc, c'est l'espèce de choc d'être né, de sortir de la condition intra-utérine. Ce choc doit quand même être le plus possible, doit être diminué au moins surtout dans la première temps de vie. Donc l'enfant doit finalement peu à peu se rendre compte que ses besoins ne peuvent aussi ne pas être satisfaits immédiatement. Sinon, ça va lui donner des angoisses terribles qui ne sont pratiquement plus guérissables dans le monde, dans la vie entière. C'est aussi le phénomène connu comme hospitalisme, donc les enfants qui sont même bien soignés dans les hôpitaux, etc., mais qui manquent d'une espèce de rapport affectif avec une figure qui les conforte dans leur narcissisme naturel, en général, démontrent des pathologies si graves qu'en général, ils ne peuvent jamais plus être rentrés dans une vie normale. Parce que là aussi, chose d'ailleurs importante pour notre discours, en général, pour la psychoanalyse, plus un trouble apparaît tôt, plus il est grave. Donc, et au contraire, plus il apparaît tard, par exemple, à la phase oedipale, vers 3 à 4 ans, c'est moins grave que, par exemple, quelque chose qui marche mal déjà dans la première année de vie. Et alors, donc, ça veut aussi dire, donc ce narcissisme dure même d'une manière moins parfaite, même dans les premiers mois de vie. Donc là, il faut tout faire donc, pour laisser l'enfant dans cette espèce d'illusion d'une toute-puissance. Donc l'enfant a l'impression, donc, en vérité, que ce n'est pas un monde externe qui satisfait ses désirs, par exemple, qui le fait têter. Mais il vit tout cela comme une espèce d'unité du monde où son désir même pratiquement fait apparaître le sein. On peut toujours se demander comment on fait pour le savoir, parce que là on montre, parce que tous les psychanalystes sont assez d'accord sur même dans tous leurs désaccords, par exemple là ce sont des choses sur lesquelles à peu près tous les psychanalystes sont d'accord. Donc l'enfant crée de certaines manières le sein, il hallucine souvent même ce que lorsqu'il n'est pas satisfait assez vite. Et justement, la capacité, par exemple, de sucer son pouce lui donne au moins la satisfaction libidinale qu'il recherche même. Et qui, d'une certaine manière, est presque plus importante que la satisfaction alimentaire. Et surtout, est plus exigeante aussi, parce qu'avec une certaine quantité de lait, par exemple, les besoins d'autoconservation est fini. Là. Tandis que les besoins libidinaux, de certaine manière, sont potentiellement infinis. Donc cela apparaît déjà très tôt dans ce livre. Et c'est le bébé. Donc ne veut pas, certainement, disons, sombrer déjà très tôt psychologiquement, ce qui d'ailleurs arrive souvent. Donc il doit, d'une certaine manière, réussir à garder un certain équilibre narcissique. Et donc le narcissisme est donc un état originaire de l'être humain et il est vécu comme une forme de toute puissance, donc comme une situation où pratiquement tout ce que nous voulons arrive immédiatement. Et donc le principe de réalité, et donc pratiquement les faits sont apparus sur que peu à peu, donc chez l'enfant. Et justement, l'utilisation, disons, sociologique du concept de narcissisme, justement, se base surtout beaucoup sur cette couple aussi, cette idée d'une espèce de détresse, d'impuissance totale originaire du bébé, et sur sa. Qui est objective, et qu'il ressent dès qu'il y a un problème, et la toute-puissance imaginaire avec l'enfant doit pratiquement compenser cette sensation d'impuissance. Et justement, donc, ce sont deux sentiments donc, qui après font leur apparition pendant toute la vie. Et justement, une espèce de santé psychique pratiquement consiste justement dans le fait de ne tomber ni dans l'un excès ni dans l'autre. Aussi parce que le sentiment de impuissance totale et de toute puissance sont évidemment dialectiquement liés, même si Freud n'utilise pas le mot dialectique. Et cela donc, se retrouve donc à d'une manière très indirecte dans la vie adulte, lorsque par exemple, et là c'est important lorsque nous parlons aussi de la société marchande à nouveau, typiquement des sujets modernes, en général, oscille entre le sentiment de l'impuissance totale face à un monde qui lui semble totalement fait, existant, inaccessible à ses désirs, et de l'autre côté, des sentiments de toute puissance, par exemple dans la technologie, on peut dire beaucoup de technologies, surtout la technologie de pointe, comme du genre, les OGM, par exemple, les idées des géo-ingénierie, etc., sont effectivement des délires de toute puissance. Et on peut quand même avoir, selon les psychanalystes, donc, la fascination que ce genre d'idées, ou même dans la forme négative, l'idée que l'être humain peut détruire la Terre entière avec une guerre nucléaire. Donc tout cela, donc pour le psychanalyste, n'a pas seulement de cause économique et sociale, mais est aussi fort parce que cela remonte à travers toute une série de chaînons intermédiaires, faut-il dire, remonte en dernière analyse, par exemple, à notre sorte quête de toute puissance. Donc quand nous sommes bébés, donc le moment où nous ressentons notre impuissance, par exemple, de nous nourrir nous-mêmes, est tellement insupportable que nous devons le compenser avec une toute puissance imaginaire. C'est une tendance qui peut revenir pendant toute la vie. Et donc justement, notre sentiment de impuissance, par exemple, face à la nature, nous tentons de le recompenser en soumettant totalement la nature, donc pour être totalement sûr qu'elle ne peut plus nous abandonner comme une espèce de mauvaise mère. D'ailleurs, identification de la nature avec, avec une mère, donc est extrêmement fréquente. Et aussi, je dis, beaucoup de, après beaucoup de successeurs de Freud insistent justement sur cette importance du dépassement du narcissisme par, la, par, la vie, par une vie psychique à peu près saine. Et c'est-à-dire que cette oscillation violente entre, entre toute puissance et impuissance est inévitable, nécessaire peut-être dans, dans la première année de vie, disons. Mais il doit être peu à peu dépassé, et le dépasser surtout effectivement avec le complexe d'Édipe, donc nous avons déjà dit. Donc lorsque ce conflit qui met finalement l'enfant, d'ailleurs les garçons comme la fillette, dramatiquement face à son aux limites de son pouvoir, et donc il doit renoncer évidemment à l'idée qui, disent les psychanalystes, l'idée la plus chère aux enfants de deux sexes, c'est l'idée de se unir à la mère. Donc il les renonce assez difficilement, et, mais s'il les renonce, particulièrement, il obtient en compensation, comme je dis, une identification avec son rôle, de homme ou de femme, et donc il peut finalement accepter peu à peu, accéder peu à peu aux satisfactions limitées, mais réelles, justement, du principe qui offre le principe de réalité. Justement, c'est là toute l'idée de Freud, de complexe, qui permet d'accéder à quelque chose où, d'une certaine manière, on abandonne donc ces idées infantiles de toute puissance, donc l'idée de l'union avec la mère et, d'une certaine manière, la pointe d'orgue. On abandonne donc cette toute puissance glorieuse, mais imaginaire, pour une puissance limitée, mais réelle. Et justement, si cela n'arrive pas, ça peut évidemment arriver dans une vie individuelle. D'ailleurs, c'est un processus qui n'est jamais complète, parce qu'évidemment, même pour Freud, chaque individu a toujours quelques côtés névrotiques, donc parce que ce processus ne se passe jamais dans une forme idéale typique. Mais évidemment, s'il se passe trop mal, l'individu évidemment grandit avec une névrose ou même avec une psychose. Et justement, la gage d'auteurs comme Christopher Lesch et d'autres, justement, c'est d'appliquer ce genre de concept, donc même à la société contemporaine. Ou pratiquement pour des raisons sociales, pour des raisons la société pousse pratiquement les individus à préférer des solutions régressives, c'est-à-dire à garder dans quelques coins de leur cerveau la quête de la toute-puissance infantile, plutôt que d'accepter les solutions limitées marielles qui naissent pratiquement de l'acceptation du complexe d'Oedipe. Maintenant, je le dis de manière très concentrée, on va y revenir aussi la prochaine fois. Vous avez vu que ma technique, c'est pas de donner une fois une définition et après de passer à une autre chose, mais plutôt de revenir en cercle concentrique sur le même thème, de manière que un concept va se clarifier aussi lorsqu'il est vu par différents angles d'attaque ou en différentes constellations, pour utiliser un terme de Walter Benjamin. Hein. Mais pour le moment, nous voulons quand même garder cet élément-là. Donc le narcissisme est un état originaire, évidemment, où toute la libido est concentrée sur dans le moi. Et c'est un état fort agréable pour l'être humain, où la toute-puissance compense une impuissance objective, c'est quelque chose dont on se sépare de manière mal volontiers, mais il faut s'en séparer. Et une bonne partie de la dynamique psychique successive, par exemple la quête d'un idéal du moi, est pas tellement liée à une tentative de reprendre au moins, disons, un lambeau, au moins une partie de cette espèce de perfection originaire que nous avons perdue. Et justement ici, toute la question et aussi dans le combien et comment, parce qu'en tant que tel, cette quête est inévitable, parce qu'elle est aussi la source de tout ce qui est plaisant dans la vie humaine, donc pour la psychoanalyse. Donc, par exemple, de toutes les grandes réalisations, la vie artistique ou culturelle, mais la poursuite pour soi-même d'une conduite morale, c'est tout cela est lié à cette espèce de recherche, une espèce de perfection. Donc, justement, dans toutes les occasions où nous ne voulons pas seulement satisfaire nos pulsions d'autoconservation, de libidinal immédiat, mais toutes les formes de sublimation, de cette manière, nous poursuivons notre idéal du moi. Et donc, de certaine manière, nous sommes dans une recherche narcissique. Le problème est né justement lorsque cette recherche narcissique prend, par exemple, des raccourcis excessifs. Et lorsque nous voulons revenir à cette espèce de perfection d'une manière non sublimée, ou d'une certaine manière, d'une manière qui saute toutes les médiations. L'exemple le plus frappant, justement, c'est la drogue. Justement, la drogue recrée cette sensation, surtout la drogue comme l'héroïne, crée évidemment cette sensation de toute puissance infantile, mais comme on le sait, à un prix très élevé. C'est probablement là aussi la cause pourquoi, évidemment, ceux qui ont goûté à l'héroïne ont de telles difficultés pour s'en séparer. Mais comme déjà Freud lui-même le savait, la foule, se fondre dans la foule, même faisant surtout physiquement, même idéalement, mais d'un autre élément très puissant où le narcissisme réprimé de l'individu peut revivre dans une forme de narcissisme collectif, surtout si elle est transposée sur la figure d'un leader. Freud même cite d'ailleurs le carnaval comme exemple également d'une situation où il est permis finalement d'abolir, de faire la différence entre l'idéal du moi et du moi. Et après, c'est là aussi un peu la garde de l'âge, justement, et même dans le domaine de la vie sociale et culturelle, il faut distinguer entre des réponses aux besoins narcissiques, qui sont des réponses, disons, d'une certaine manière, enrichissantes. Par exemple, il dit, par exemple, la musique classique, par exemple, avec son rythme de tension et d'abandon, où il y a d'abord une reconnaissance de la séparation et après une quête, si on veut même difficile, une nouvelle union. On peut aussi dire, c'est le fait de beaucoup de religions traditionnelles, parce que les religions présupposent toujours, justement, qu'il y avait une espèce de paradis, ou une espèce d'état béat à l'origine, qu'il faut d'une certaine manière reconquérir. Donc justement, on peut donc voir même dans la religion justement une tentative de reconquérir à travers un long chemin cette espèce d'innocence et donc de perfection narcissique initiale perdue. C'est bien différent, par exemple, dans des techniques comme le mysticisme évidemment des bas étages, du genre New Age, ou avec, par exemple, avec des musiques orgiastiques du genre de techno, etc., qui promettent au contraire un retour immédiat à la situation narcissique, pratiquement sans une reconnaissance initiale du fait quand même que la séparation a eu lieu. Pourquoi le New Age et la techno? L'image en général promet donc des techniques pratiquement qui donnent très vite une espèce de dépassement du moi, et donc on se veut se sentir tout uni au cosmos, on veut sentir une espèce d'union, d'union totale. Donc en général, toute forme de mysticisme justement veut annuler cette séparation originaire entre le moi et le non-moi. Et donc, là aussi, on peut comme dire qu'il y a une grande différence si cela est conçu comme un chemin spirituel assez compliqué et qui comme présuppose des réalisations dans le monde extérieur, ou si cela est imaginé comme une espèce de technique qui saute toutes les étapes pour arriver droit au but. Parce que cela est lié à un autre justement fait, comme je dis, grandir est difficile. Et donc l'enfant donc doit s'arracher de cette espèce de narcissisme primaire. Donc il doit d'abord commencer à reconnaître que sa mère est une personne distincte de lui, et donc après il doit commencer à l'aimer. Donc après il va reconnaître des autres, il va reconnaître peu à peu l'existence d'autres personnes et d'autres objets. Mais chaque fois, en vérité, chaque découverte est quand même ceinture, comme on dit, comme une blessure narcissique, donc, parce que chaque fois, donc, en grandissant, on perd un autre morceau de sa toute puissance. On doit toujours admettre que même les autres personnes, les autres objets, ils ne sont pas une partie de nous, mais elle existe là, elle s'en fiche en vérité totalement de nous et de nos désirs, et que la nourriture ne va pas venir chez nous seulement parce que nous avons faim, comme pour donner l'exemple le plus banal. Donc peu à peu, grandir donc, veut dire de toujours plus admettre qu'on n'a aucune toute-puissance magique. Et justement, là, une bonne partie de la dynamique psychique de la vie consiste dans les réponses qu'on donne justement à cette découverte progressive de notre dépendance par rapport au monde. Donc la réponse juste, d'une certaine manière, ce que Freud appelle le principe de réalité, c'est d'abord d'admettre qu'il en est ainsi, et ensuite de trouver sur la base de cette reconnaissance des moyens pour satisfaire quand même nos désirs. Exemple typique, par exemple, je découvre que la nourriture ne vient pas de moi, donc je dois découvrir comment, par exemple, produire de la nourriture, en échange de quoi je peux avoir de la nourriture. Donc, d'abord, j'admets que les objets et les autres personnes ont une volonté indépendante de la mienne, et après, je trouve une façon indirecte, de cette manière, pour les plier à ma volonté. Par exemple, toute la transformation du monde aussi à travers l'agriculture, l'artisanat, etc., et d'une certaine manière se base sur cette reconnaissance. Donc il faut travailler le monde pour en obtenir ce qu'on veut. Et même, comme dit Freud, parce que même le principe de réalité, en dernière analyse, est toujours au service du principe de plaisir qui est plus fort. Donc lorsque l'enfant découvre qu'on ne peut pas manger par magie, il ne suffit pas de désirer à manger, recommence une longue chemin, mais finalement donc on mange, et donc même tout l'agir sur la réalité extérieure donc sert quand même en dernière analyse à satisfaire le principe de plaisir, c'est-à-dire par exemple notre désir de manger. Également un peu plus compliqué dans le développement libidinal, donc le désir spontané de l'enfant est donc de se unir à sa mère. Mais le développement audibal le pousse à reconnaître que cela est impossible, et donc finalement donc de déplacer le même libido sur d'autres objets à l'extérieur, et finalement lorsqu'il devient adulte, de trouver par exemple une satisfaction sexuelle réelle, même si selon la psychoanalyse d'une certaine manière nous souffrons toute la vie du fait que ça reste quand même toujours comme un peu le substitut. Donc tout ce que nous faisons comme adultes ne donne jamais entièrement la satisfaction totale que nous aurions voulu imaginer lorsque nous étions enfants. Même par exemple, Lacan insiste par exemple beaucoup sur cette espèce de manque originaire. Donc aussi, Freud même d'ailleurs n'a jamais promis que la psychoanalyse donne une espèce de vie heureuse et béate. Il a toujours dit que c'est une voie la moins malheureuse possible, donc le moins névrotique possible. L'autre possibilité, c'est toujours de nier magiquement justement cette espèce de dépendance et de séparation, et de faire comme si cela n'existait pas, ou ce qui est plus compliqué et plus fréquent, d'accepter seulement sur un plan extérieur, c'est-à-dire sans conviction, l'imposition du monde externe. Donc d'accepter le principe de réalité en sauvegardant, d'une certaine manière, dans son fort intérieur, l'idée qu'en vérité, c'est-à-dire, ce n'est pas juste. Donc ça veut dire, par exemple, effectivement, au moment que l'enfant ne soit pas vraiment déjà psychotique, il ne peut pas nier le fait, par exemple, les adultes ont des volontés différentes de siennes et ne les satisfont pas toujours. Mais il peut aussi s'adapter d'une manière purement formelle, extérieure à cette réalité, gardant quand même en soi-même, en vivant les autres, seulement comme toujours des parties de son propre moi, et pas comme des objets externes indépendants. Et cela donne, par exemple, après, typiquement les adultes, et c'est un problème aujourd'hui justement très fréquent, là nous retournons à la pathologie narcissique d'aujourd'hui, des personnes qui apparemment sont à peu près normales, mais justement qui ne peuvent pas vraiment accepter les autres personnes, par exemple dans une relation d'amour ou d'amitié du travail, comme des êtres vraiment autonomes, qui ont leur propre volonté, leur propre autonomie, et qui donc ont autant de droits que soi-même. Donc le narcissique, il accepte cela sur un plan externe, au moins comme je dis qu'il ne soit pas visiblement malade, mais il crée beaucoup de dégâts parce qu'en vérité, il, intérieurement, il n'a jamais accepté cette séparation entre le moi et les autres. Et donc, typiquement, le narcissiste pense que tous les autres n'existent qu'à son service, que tout le est dû. Parce qu'il révit de certaines manières, en général, sans même s'en rendre compte. Il tente en vérité d'interpréter, par exemple, tout le rapport avec le monde externe comme une reviviscence de cette espèce d'état narcissique originaire où donc tous les autres ne devaient exister à son service. Comme je dis, lorsqu'on a un an, c'est assez légitime de le penser. Le problème, c'est en 40 ans, on pense encore que tous les autres restent là à notre service. Et donc là, nous revenons au problème social. Cela est toujours décrit par la psychoanalyse comme un problème sur le monde de développement individuel, donc sauf les psychoanalystes sont toujours intéressés essentiellement aux individus. Notre tâche ici, c'est aussi de comprendre en la forte augmentation de certains comportements et pathologies individuelles peut avoir de sa part des causes sociales. Justement, des auteurs dont nous parlons les prochaines fois tentent cette analyse, selon moi de manière insuffisante, parce qu'ils lient le narcissisme en général à la seule phase néolibérale du capitalisme et pas à la logique de la valeur. Mais il est quand même dans les détails, souvent assez facile de faire ce genre de liens. Par exemple, cet narcissisme qui voit dans l'autre seulement une extension de son propre moi et pas un être qui a les mêmes droits que soi-même, et, par exemple, est sûrement très renforcé, par exemple, par une jeunesse qui croit avec des jeux vidéo, les autres existent seulement comme des images, et donc jamais comme des personnes vraiment autonomes. Et cela continue à l'âge adulte, par exemple, avec la possibilité aujourd'hui si répandue du cyberdrag, de la possibilité de trouver des contacts sur Internet, qui évidemment pousse pratiquement presque inévitablement à concevoir le rapport affectif comme une espèce de supermarché, où donc tu peux très rapidement choisir une personne qui, selon tes goûts, et dès que ça ne marche pas, à la première accroche, tu changes et tu cherches dans une autre étagère. Donc ces comportements sont maintenant souvent décrits, donc c'est facile d'ironiser, mais il faut aussi voir en quoi cela, par exemple, est lié aussi à la thématique du narcissisme, donc évidemment à une forme de socialisation où les enfants, dès la première âge, pratiquement sont poussés à s'épargner cette douleur d'admettre la séparation. Et il reste toujours pratiquement dans une espèce de déni magique de du fait d'être séparé par rapport à la mère et par rapport à d'autres instances. D'autres facteurs, c'est sûr, sociaux y contribuent. Évidemment, le psychanalyste insiste toujours sur le rôle important du tiers, donc en général du père pratiquement, qui fissure cette unité initiale entre les bébés et la mère, entre les bébés qui croient de pouvoir être aussi le mari de sa mère. Pratiquement, l'existence du père, d'une certaine manière, dérange cette espèce d'union initiale et pratiquement oblige l'enfant à faire le compte avec la réalité. Mais Freud, c'est toujours vraiment lié à la famille bourgeoise, mais après, je pense que d'autres ont démontré un peu facilement. Ce sont des rôles, pas des rôles et pas des personnes réelles. Donc, par exemple, lorsque deux femmes, par exemple, élèvent un enfant, la même dynamique peut aussi se instaurer entre une femme, par exemple, qui a le rôle de la mère et l'autre le rôle du père, même si c'est deux hommes, etc. Donc là, je pense que. Je pense que même Lacan avait raison en démontrant qu'on peut effectivement décrire donc tout cela pas comme des rôles ni biologiques ni sociaux, mais presque comme des formules, presque comme des algèbres, ou simplement certains facteurs qui forment une équation. Alors, je pense que d'avoir dit l'essentiel, justement, en tentant vraiment de dire qu'est-ce que c'est le narcissisme chez les auteurs psychoanalytiques, je dis qu'en général, avant l'âge, très peu préoccupé d'une éventuelle impact du narcissisme sur le développement de la société. Ah, là, c'est encore important. Comme je l'ai dit, dans son premier écrit de 1914, Freud, il a d'abord une espèce de auto-érotisme avec des pulsions partielles indépendantes. Après, le narcissisme est une première forme d'union auquel succède après donc, l'amour d'objet, donc la capacité aussi d'adresser son amour à un objet externe, en général la mère. Et un peu plus tard, avec ce qu'on appelle la deuxième conception de Freud, au contraire, il voit maintenant dans l'état narcissique premier, vraiment l'état originaire de l'être humain, qui selon lui, pratiquement, serait anobjectal. Donc dans un premier moment, donc, l'être humain ne conçoit aucune forme de rapport avec le monde externe, était pratiquement identifié soi-même avec le monde entier, dans une espèce de fusion totale. Dans ces cas, donc, le narcissisme est une espèce d'indifférenciation entre le moi et le ça. Donc, prolongation de la vie, intra-utérine antérieure à toute existence de moi, sans clivage entre le sujet et le monde. Et donc Freud a gardé cette conception du narcissisme comme un état donc, sans relation et sans objet qui serait au début pratiquement de tout développement psychique. Et c'est le narcissisme primaire, justement. Ce concept de narcissisme primaire a été quand même celui qui a été le plus discuté par les autres auteurs psychoanalytiques, qui, dont certaines, comme Melanie Klein et, ou un autre auteur, Balint, n'ont pas accepté cette idée. Il affirme qu'il existe dès le début une espèce de relation. Donc, un état complètement sans objet, sans relation des autres ne serait pas concevable, surtout parce qu'on ne comprenait pas comment l'enfant pourrait sortir de cet état, donc lorsqu'il n'avait pratiquement pas de fenêtre vers le monde extérieur. Donc, surtout, Melanie Klein, donc, le psychoanalyste le plus important du siècle, a développé cette idée que l'enfant, donc, dès les premières semaines de vie, donc, commence à se rapporter aux parents. Et donc, elle en a tiré toute une théorie un peu compliquée, un peu effrayante, donc, sur l'idée que donc, l'enfant, donc, au départ, donc, il ne peut pas supporter l'idée que ce soit la même mère ou le même parent qui parfois satisfait ses besoins et parfois pas. Donc après, il imagine qu'il y en a deux parents, une mère bonne, une mère mauvaise. Il commence donc à vouloir détruire, à vouloir... Il déteste cette mère négative. Donc il commence à développer des sentiments très destructrices vers la mère ou l'objet maternel, et on imagine, et après il imagine que cette haine et cette manière est échangée, que donc la mère mauvaise aussi va détester l'enfant. Et donc Melanie Klein appelle cela la phase paranoïque, donc les premiers six mois de vie, auquel, selon la Klein, succède une deuxième phase qu'elle appelle dépressive, lorsque l'enfant commence à vouloir certainement de réparer le mal qu'il pense avoir fait à l'objet bon, et commence donc à avoir des sentiments de gratitude et à introduire des rapports de reconnaissance avec cet objet. Mais il est vrai que, surtout, comme je dis, que Freud s'est finalement intéressé relativement peu aux premières années de vie, donc, tandis que selon Melanie Klein et les Kleiniennes, qui sont pas des branches principales de la psychoanalyse, pas tout l'essentiel se joue dans cette première année de vie. Aussi, Christopher Lesch, il insiste beaucoup sur la théorie de Melanie Klein. C'est vrai que le tableau qui en sort est assez épouvantable, donc il semble que le pauvre bébé ne vit qu'entre peur de persécution, entre images de anéantissement et de castration. Il semble qu'il n'a pas une minute tranquille. Et donc, heureusement, lorsqu'on le regarde le bébé, on n'a pas toujours l'impression qu'il soit tellement angoissé. Donc, on a aussi mis en relief souvent le fait. C'est quand même, en général, les psychoanalystes comme les psychiatres ont en général affaire évidemment à des personnes, à des enfants comme à des adultes, évidemment, qui ont des graves problèmes. Et donc, qui ne sont pas nécessairement représentatives de l'être humain en général. Ça peut aussi jouer un rôle, mais en même temps, je pense que ce qui est important chez Freud et chez Klein, et qui n'a pas été maintenu par tous les psychoanalystes successifs, est l'idée qu'il existe une espèce de conflit originaire dans l'être humain, donc que le développement humain est nécessairement conflictuel, que les pulsions en général ont toujours quelque chose qui dérange l'être humain. Il n'existe pas un développement, si on veut, harmonieux ou sain. Là aussi, Lesch insiste beaucoup sur ce fait-là. Et donc, ce n'est pas seulement le fait du monde externe qui est, par exemple, l'imposition du père dans le conflit d'Édipe, dans le conflit d'une société répressive qui rend malheureux l'être humain, mais il y a aussi donc, une espèce de conflit originaire entre les pulsions de l'être humain et leur impossibilité de le satisfaire, déjà pour des causes physiques, parce que l'enfant, même s'il voulait, il ne pouvait pas faire un enfant à sa mère. Donc il y a déjà là une espèce de conflit originaire qui fait que l'être humain est toujours dans une espèce de dimension tragique et conflictuelle. Et beaucoup de... Et justement, on a souvent mis en relief que toute une partie de la psychoanalyse successive à Freud, surtout aux États-Unis, a tenté beaucoup de certaines manières de ôter ce caractère conflictuel, d'en faire une espèce de psychologie du développement où pratiquement, sauf dans des cas pathologiques, l'être humain serait pratiquement tout à fait capable de passer pratiquement tranquillement d'une étape à l'autre, si simplement on lui donne une bonne éducation, si on le tient éloigné des mauvaises influences, par exemple à travers une éducation trop répressive ou trop sévère. Mais toi, tu connais toutes ces discussions-là, hein, entre Fromm, Marcuse et d'autres auteurs. Donc, et aussi, justement, Christopher Lesch s'y réfère beaucoup. Donc c'est d'un côté, donc c'est le concept de narcissisme primaire qui a donné le plus de discussions entre psychoanalystes. Certains les nient, d'autres en existence, d'autres insistent au contraire, comme le fait que le narcissisme est même quelque chose de primordial, qui existe même avant le ça, le moi et le surmoi. Et de l'autre côté, le concept de narcissisme secondaire est plus évident, donc c'est simplement dire donc, que plus tard, à toute étape de la vie, donc, l'être humain peut pratiquement retirer vers soi une partie excessive de son de sa libido. Et en même temps, c'est évidemment là aussi que s'ouvre comme une dimension sociale, tandis que le narcissisme primaire est donc un facteur, comme je dis, nécessaire, inévitable et positif de l'être humain à un certain âge. Le narcissisme secondaire est quand même, au moins s'il dépasse un certain grade, est quand même un facteur pathologique, donc on peut dire donc un facteur, on parle alors aussi de narcissisme maligne, lorsque cela comporte donc une espèce de dévalorisation des objets externes, donc qui rendent le sujet, par exemple, incapable d'empathie vers les autres sujets, et en général d'une espèce de coopération avec les autres, mais aussi d'un rapport amoureux avec, par exemple, avec la nature. Justement, par exemple, une forme saine du narcissisme, de l'équilibre narcissique serait par exemple une exploration amoureuse de la nature, sa connaissance, par exemple du jardinage, comme dit par exemple la volonté technique d'imposer sa loi à la nature, d'éliminer tous les dangers, de tirer le maximum profit de la nature, serait au contraire par exemple la fausse sortie du narcissisme, serait justement une forme, comme nous avons déjà dit, serait un fantasme de toute puissance. Comme en général, toutes les tentatives de contrôle total de quelque chose, en général, dénotent toujours évidemment que l'individu, en vérité, souffre, ou même la société entière, en fait, souffre évidemment d'un tel degré, d'une peur de la séparation, qu'il doit le compenser avec un déni total de la séparation. justement, donc, ici tout réside dans la quantité juste, donc il faut accepter donc, cette séparation initiale, la séparation par rapport avec la mère, la séparation, mais il faut en même temps pas la renier complètement, mais il faut donc après tenter de reconstruire une espèce de rapport avec ces instances originaires, donc avec la fusion originaire, avec la mère, qui ne nie pas le fait, mais ni tente simplement de le compenser avec quelque chose de complètement différent. C'est ici, je pense, avec ça, je vais terminer, que c'est autour d'un autre concept aussi important pour comprendre l'œuvre de Lesch, ce sont des objets transitionnels d'un autre psychanalyste important, Donald Winnicott, qui est dans les 60-70, qui a beaucoup insisté sur l'importance du jeu aussi, l'analyse du jeu comme une méthode de psychoanalyse, mais aussi pour le développement de l'être humain. Donc les objets transitionnels, les plus classiques, c'est évidemment c'est le doudou, c'est la couverture de l'inus, etc. Donc dans la perspective développée par Winnicott, ils ne sont pas un simple substitut du sein maternel, ils ne sont pas simplement un remplacement, au contraire, sont la voie royale pratiquement pour développer peu à peu un rapport au monde extérieur qui se base sur une réelle prise de contact avec les objets externes, c'est-à-dire des véritables investissements libidinaux dans les objets qui en même temps gardent un contact avec la situation originaire, avec la mère, et ne représentent pas son reniement. Tandis que on peut par exemple dire que là, c'est ça. Par exemple, beaucoup de développements standards, par exemple, du mâle dans la culture occidentale, par exemple, au contraire, pousse par exemple le mâle à totalement renier la mère, à totalement renier son désir pour la mère, et donc à mépriser en général la femme et tout ce qui peut être associé à la féminité, donc tout ce qui peut être considéré passivité, et donc à développer justement ce caractère typiquement machiste, donc qui en vérité. Justement, ces bases sont le psychanalyste essentiellement sur justement le caractère donc, excessivement donc, viril ou machiste, et surtout en tentative d'exorciser son propre désir refoulé de revenir en vérité envers la mère. Mais comment ça se fait quand vous expliquez que cette adoration de la mère peut aboutir au contraire? Justement, parce que. Parce qu'il y a, dans la version classique du pas, il y a le père qui empêche à l'enfant de s'unir à la mère, ou ça peut être d'autres instances sociales, c'est aussi le fait que l'enfant se rende compte que ce désir est beaucoup plus fort que ce qu'il pourrait même faire physiquement, même s'il n'y avait pas d'instance sociale qui l'empêche. Et donc l'enfant est donc finalement poussé donc, à abandonner ce désir incestueux, à se trouver d'autres satisfactions. Dans la forme plus classique, donc la fille est poussée donc, finalement vers la maternité, comme et les garçons donc, est poussé vers l'identification donc, avec la phallus paternelle et donc avec toute la logique, avec toute la logique masculine qui en descend. Après, les féministes ont beaucoup critiqué la conception de Freud, parfois à raison, mais on a quand même vu qu'après tout, tour et détour, quand même beaucoup de conceptions freudiennes restent comme encore vraies. Si on ne fait pas, on ne fait pas une constante anthropologique, une sous-historique, mais si on les lit justement comme une description de la réalité de la société occidentale moderne, à l'intérieur de cette société, certaines structures restent quand même assez ténaces et ne se laissent pas si facilement éradiquer comme on pourrait, par exemple, penser à l'époque des années 60, lorsqu'on pensait qu'un peu d'éducation anti-autoritaire, par exemple, pourrait suffire pour avoir des personnes qui ne souffrent plus, par exemple, d'instances répressives à leur intérieur. Ben, c'est un peu différent aujourd'hui. Je n'ai rien dit de propre, des miennes, mais en même temps.